Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Fairlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Fairlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Fairlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. On va parler de chasse avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Claude, tu veux me parler cette semaine du rôle du boucher? C'est important le rôle du boucher Premièrement, on a parlé dans les premières chroniques sur la chaleur qu'il faisait et qu'il fait toujours dans le temps de la chasse. Donc, les gens qui vont en chasse à l'orignal depuis quelques années ont eu ce problème-là et je comprends pas encore pourquoi les chasseurs ne se sont pas regroupés. C'est toujours, on se comprend que la chasse, c'est très individualiste ou par groupe, mais comment ça se fait que des groupes de chasseurs dans un village, par exemple, ne se sont pas regroupés pour louer le temps des fins de semaine de chasse des camions réfrigérés? Donc, on sait que les bouchers ont pas nécessairement de place dans leur frigidaire à eux. Moi, je le vois ici à Québec, j'ai visité, je l'ai vécu plusieurs fois. Les bouchers peuvent pas garder de la viande pendue avec la peau à travers des quartiers de viande à consommation. Donc, ils sont obligés de mettre à part ou encore de nous faire enlever la peau dès qu'il va arriver là-bas pour le vieillissement. Donc, on a un problème avec les bouchers sur l'emplacement, puis on a un problème avec la température sur la conservation de la viande. Donc, je t'en ai parlé de poivrer l'intérieur pour éviter qu'on parle de bactéries et tout. Et là, c'est ce qu'on parlait dans le Journal de Québec de ce matin, les bouchers qui sont débordés parce qu'il y a très, très peu de bouchers. Puis c'est pas toutes les boucheries qui veulent prendre de l'orignal à cause, justement, de l'arrivée de la bête, de la grosse bête avec le poil après. Donc, moi, si j'étais des regroupements de chasseurs dans une région, je me dirais, pourquoi on va pas avoir une compagnie de réfrigération, une compagnie de transport avec un camion réfrigéré dans lequel on pourrait prendre nos quartiers le temps de la chasse. Donc, écoute, ça va nous coûter quelques piastres à tout le monde. Dans un camion comme ça, on pourrait installer des crochets puis on pourrait faire pendre nos quartiers le temps d'avoir l'accès chez le boucher. De un, ça, c'est moi ce que je ferais. Je me trouverais un petit camion réfrigéré, puis je mettrais ça à l'intérieur. C'est sûr que je protégerais ma viande. De l'autre côté, c'est toujours la grande discussion de taverne ou de brasserie, à savoir comment j'ai de viande avec mon orignal, et là, comment le boucher m'en a volé. C'est toujours le grand terme que je déteste. Les bouchers se font accuser de voler de la viande, et les gens estiment très mal le poids d'un orignal. Faut pas oublier qu'un orignal, ça a des immenses pattes, puis tu fais rien. Avec, tu sais, tu peux pas faire grand de saut beaucoup avec des pattes d'orignal. Tu peux en faire quelques-uns, mais une patte d'orignal, c'est haut, c'est lourd, les os sont lourds, et tout ça, c'est une viande perdue, ou presque. Le deuxième des points, c'est que les gars, une fois l'abattage fait, c'est sûr que s'il est sur le bord du chemin, ça va. Mais s'il est en plein bois, comment qu'on transporte notre orignal? Comment les gens tirent un orignal du bois? Moi, j'ai vu en Gaspésie, pour l'avoir expérimenté à quelques reprises, chez certains pourvoyeurs, l'utilisation d'une poulie et de deux camions. Tu comprends qu'ils prennent une immense corde qui peut avoir jusqu'à 1000 pieds de long, et ils vont aller chercher l'orignal par une patte, puis le deuxième camion, ils passent la corde dans une poulie, qui est attaché après la boule de remorquage d'un des camions, et l'autre camion tire dans l'autre sens pour faire venir la bête au camion. Mais tout ça va mâcher la viande du côté où l'orignal va être traîné. Donc, faut pas traîner un orignal par terre. Puis si on le traîne, on doit lui faire une civière, on doit éviter que la viande vient me frapper après les arbres. Ça va faire exactement comme toi puis moi si on tombe par terre. Ça va devenir un bleu et ça, la chair qui est à l'entour de ça va se va mourir. Puis on va perdre de la viande. Donc les gens qui traînent le gibier par terre, surtout un orignal, un chevreuil, on va l'embarquer sur un quatre roues, on va le mettre sur nos épaules, on va faire une petite civière. Mais même dans le cas d'un chevreuil, traîné par terre, on mange de la viande puis on perd de la viande. Donc, les gens qui réalisent pas ça encore, là, parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ben il va falloir qu'ils y pensent parce que on perd énormément de viande au moment où on va le traîner par terre. Et monsieur, un autre point, c'est l'abatteur. Oui, OK. Si on le tire d'une épaule ou d'une fesse, on tire deux ou trois balles, ben, toutes les fois qu'il y a un impact de balle, on vient de perdre une dizaine de livres de viande, si c'est pas plus. Parce que toute la viande va venir mâcher alentour, l'explosion va se faire, et on va perdre une quantité de viande incroyable, de bonne viande en plus. Mm. Donc, le poids d'un orignal, je te donne un exemple, un orignal de 871 livres est viscéré, là, quand tu enlèves les pattes puis la peau, il reste 660 livres. Okay. Puis, quand tu vas le faire arranger, là, tu vas avoir à peu près 400 livres de viande. Donc, monsieur, tu vois que tu en perds 50%. Donc, le gars m'a dit, j'ai tué un orignal de 900 livres pesé dans mon truck, là, pesé avec une balance. Ben, dis-toi qu'il va t'en rester la moitié. Puis sur la moitié, là, faut faire attention. Parce que là, tu vas avoir 2% au ce qu'on appelle le reçuage. Donc, quand tu laisses vieillir une viande, moi, je laissais toujours vieillir ma viande. J'avais un bon boucher. Okay. Qui n'existe plus maintenant, mais j'avais un bon boucher où je laissais ma viande au moins vieillir 30 jours. Mm. Donc déjà, c'était à l'excès. Et là, on enlevait une couche de vert. Quand on dit vert, c'est de la viande qui est verte, là, t'sais, une viande qui va pas pourrir, mais une viande qui a vieilli. Donc on enlevait un gros 2 pouces. Donc 2 pouces sur l'ensemble de l'orignal, j'en perdais un méchant paquet. Mais on parle de reçuage là, d'à peu près 2% de perte. Okay. La viande qui va maturer, on va perdre un autre 1%. Donc, au poids total, là, pour une cuisson rapide, les steaks, les beefsteaks, puis les rôtis, on va avoir à peu près 54% de ce qui va nous rester dans cette catégorie-là. Puis les cuissons lentes, parce qu'il faut qu'on... c'est une viande qui est plus dure, les bourguignons, puis les mijotés, on va avoir à peu près 46% de notre viande. Donc, faites attention, n'accusez pas les bouchers de voleurs. Ils n'ont pas l'affaire à vous voler de la viande. Ils ont du bœuf, ils ont toutes sortes de choses maintenant à l'intérieur de le congélateur. Ils n'ont pas besoin de vous voler de la viande d'orignal. Puis ils vous voleront pas un steak, simplement manger une viande d'orignal. Il y en a qui l'ont tellement mal entretenu, tellement mal transporté et tellement mal protégé que j'en mangerais même pas de viande. Donc, ouais, c'est tout le temps pareil. On veut tuer le plus gros, mais le plus gros, c'est un vieux cheval, une vieille vache. C'est beaucoup plus dur alors qu'une jeune femelle ou un veau dans la période où c'est permis, c'est beaucoup plus tendre. On a moins de viande, mais c'est plus tendre. De toute façon, on ne veut pas en manger pendant 10 ans. Non. Imaginez-vous 400 livres de viande à deux confrères, ça fait 200 livres par gars. Ça fait beaucoup de viande à manger durant l'hiver. Mais des fois, on en perd, je te dirais, 40% là-dessus, parce qu'on l'a pas tout mangé. Donc, faut faire vraiment attention. Les bouchers, c'est pas des voleurs de viande. Il y a beaucoup de monde qui accuse les bouchers. T'as l'air de la manière que tu me parles. Ça, Oui, énormément. Ah oui, OK. Je te dis, j'ai entendu à tous les ans des discussions sur Internet, des discussions, des questions posées lors de mon émission de télévision. À tous les ans, j'avais ça. Comment ça pèse un orignal de bout? Puis comment tu nous envoles? Puis qu'est-ce qu'il peut faire avec notre viande? Puis, hey, enlevez donc les pattes. Puis comme je te dis, là, les gars qui vont tirer un peu partout. Tu sais, la semaine passée, je te parlais de l'importance de tirer à courte distance. Ben, c'est pour ça. C'est qu'une balle bien placée en arrière de la patte, au cœur, va éviter de tirer dans l'épaule, de défaire l'épaule et de perdre cette viande-là. Parce que moment où on a tiré dans l'épaule, on la perd, l'épaule. Puis plus bas que l'épaule, c'est la patte puis le jarret. Et ça, on n'en mangera pas. Moi, du steak de sabot, j'en mange pas. Donc, les gars arrivent chez le boucher, ils me disent, « Hey, j'avais une viande de 200 livres, tu m'as donné 200 livres de viande, tu m'en as volé 200 livres. » Ça, les bouchers, combien de fois ils ont eu à vivre avec ça, avec les clients qui venaient chercher leur viande. Donc, les bouchers se sont écœurés. Il y a de moins en moins de boucheries. Puis ce matin, on parlait justement, dans le Journal de Québec, des bouchers de la BTB. Il en reste presque plus. Les gens ont énormément de difficultés à trouver un boucher pour dépecer leur viande. Surtout qu'ils n'ont pas de camion réfrigéré. Il est correct ce matin, il fait plus frais, mais ça n'a pas été comme ça dans les trois dernières semaines. Donc, les gens ont pu perdre de la viande et les bouchers n'ont pas le temps de commencer à pendre des orignaux dans le frigidaire à viande conventionnelle pendant 15 ou 20 ou 30 jours selon le goût des gens. Donc, les gens vont le faire faire après 8, 9, 10 jours. Il n'a pas assez vieilli. C'est pas une viande qui va rester bonne. Donc, c'est tout le problème de la chasse. C'est que les gens sont tout le temps trop cheap. Je te parlais des gens cheap qui voulaient pas acheter de balles pour faire des pré-tirs pour acheter leur carabine. C'est la même chose dans le cas de la viande d'orignale. Les gars veulent pas se louer de camions réfrigérés pour garder leur viande en attendant que le boucher puisse le prendre. Donc, on pourrait le faire vieillir dans notre propre camion, s'installer un groupe, un regroupement de chasseurs ensemble, dire on a loué ou un entrepôt réfrigéré ou on a loué un camion réfrigéré pour le temps de la chasse, puis ça va vous coûter 100$, puis mettez donc 100$, puis protégez donc votre viande au lieu de l'amener chez le boucher et de dire que le boucher, c'est un voleur de viande. Bon, OK. Hey, je veux te parler, en terminant, Claude, des territoires. J'ai un de mes clients qui est un territoire, c'est la première année qui est au lac Saint-Jean, qui chasse au lac Saint-Jean, puis lui, il a pas aimé ça beaucoup, son expérience, parce qu'il dit, dans certaines régions, on chasse, on s'aide. Tandis qu'au lac Saint-Jean, on dirait que les chasseurs, le territoire leur appartient. C'est-tu pas mal dans les mêmes régions? La mentalité est-tu différente? C'est pas rien qu'au lac Saint-Jean, là. Ah. C'est partout. Un orignal, puis un chevreuil, là, pour un chasseur, là, c'est son territoire. Okay. C'est son gibier. C'est à lui. Tu vois, dans un ZEC, il y a eu justement une émission de télévision là-dessus, où dans un ZEC, dans le Bas-Saint-Laurent, tu sais que les ZEC, c'est opéré par des beaux-frères. Donc, c'est dans une petite communauté. Bien, des fois, ce sont des amis, des regroupements, ou encore des beaux-frères qui possèdent l'ensemble des postes sur le comité du ZEC. Et eux autres vont s'accaparer des grands territoires. Puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des vieilles roulottes de chantier. Ils vont mettre ça dans un chemin. Ils vont bloquer le chemin de côté. Ils vont mettre, ce que je disais, des têtes de sapin avec des dossards pour faire à croire que les gars sont en train de chasser. Ils vont mettre des pancartes chasseurs à l'affût partout pour bloquer les routes. Donc, les chasseurs, là, pour de la viande, ils feraient n'importe quoi. Ils s'abaisseraient à n'importe quelle bassesse parce que c'est leur territoire. Alors que la chasse, c'est très démocratique. Ça devrait être démocratique. Ça devrait être laissé à tout le monde, puis au meilleur, la chance. Mmh. Donc, quand tu bloques un territoire aux autres chasseurs, ben ton chasseur qui te rapporte ça au lac Saint-Jean, dis-toi que c'est pas juste au lac Saint-Jean, c'est en Gaspésie, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, puis dans le Bas-Saint-Laurent, c'est encore pire, là. Ça s'affronte à, je dis pas à coup de fusil, là, ça tire pas dessus, mais ça sert des menaces verbales, des chalets qui ont brûlé, des roulottes qui se sont fait endommager, des pneus crevés, des ailes de bassesse, n'importe quoi, pour de la maudite viande d'orignal ou de chevreuil. Je trouve ça inconcevable. Ça devrait plus se faire, mais ça se fait encore. Les chasseurs sont vraiment d'une petitesse d'esprit démentielle. Ben, c'est assez. Parce que dans certaines régions, par contre, on dit que c'est qu'ils s'entraident. Ça doit dépendre des régions, là. Je sais que c'est pas la première fois. En tout cas, j'en connais pas beaucoup. Tu me diras la région où ils s'entraident parce que je la connais pas. Pourtant, comme je t'ai dit, pendant 25 ans, j'ai fait de la chasse un peu partout au Québec. J'en fais plus aujourd'hui, donc les gens disent « Ouais, mais qu'est-ce qui est lui-là? » Ben, je l'avoue, j'en fais plus aujourd'hui. Parce que j'en fais plus pour cette raison-là. Ça m'avait découragé d'aller voir le Bas-Saint-Laurent, les ZEC du Bas-Saint-Laurent. Pas rien que... Il y en a un qui s'appelle le ZEC du Bas-Saint-Laurent, mais moi, je te parle de d'autres territoires où, en réalité, spécifiquement dans des ZEC, et tu pourrais l'entendre parler de partout, c'est vraiment une chasse gardée épouvantable. C'est vraiment les plus grandes bassesses sont faites pour s'accaparer de la viande de rignal ou de chevreuil. OK. Ben, Claude, très intéressant. Là, c'est-tu la dernière chronique? Parce que la chasse, ça se termine quand? Là, ce serait comme notre... Il t'en reste une? OK. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous garder le secret pour la dernière chronique, si tu me permets. Il n'y a pas de problème, Claude. Fait qu'on se reparle... Parce que je ne sais pas si ça se termine en fin de semaine au Lac-Saint-Jean, je pense. Hein? Ça dépend des régions. Oui, bien, tu as dit encore une fois, où je te dis, je ne m'en pas dans les zones, c'est trop compliqué. Okay. Mais il me restera une chronique de chasse à vous faire, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème, Claude. On se reparle la semaine prochaine. Claude Roy, notre spécialiste de chasse.